Vous captez Radio Haïti. Face à l'opinion aujourd'hui, avec une délégation association planteur avec distillateur Léogane, Yvans Beaubouin, Edner Désir, Frémy Met avec Nicolas Guijul. Nous parlons pour tes dossiers, bah, seulement que moi, là, dans le communiqué, je dis que le ministère commerce et industrie ont fait tester par des laboratoires nationaux et étrangers des échantillons d'alcool importé, de clairet fabriqué à base de cet alcool importé. Est-ce que nous jamais joignons résultat test ça qui était doué fait depuis 1996, ça gagne 2 ans et pique. Chaque fois nous sollicitons résultat, yo toujours dit nous que yo pourquoi joindre résultat. Et c'est une raison qui fait que nous-mêmes nous t'ai décidé que association planteur pral lui-même prend responsabilité le fait en laboratoire à Miami tester et tester produit ça pour nous tout. Donc nous pas contenter nous de ça résultat ministère de santé publique, nous-mêmes tout nous prend nous gon démarche en cours pour tester pour dire nous exactement nous voyons échantillon. Nous voyons échantillon déjà. À nouveau échantillon. Oui. Et là où de gonba ou d'abdi. Bon, pour moi-même, alcool l'a testé déjà, le pas vivable. Ah oui, moi, on a dit ça, mon cher scientifique. Mon père est devant Frédéric Germain là, et vous dit, ministre Germain, écoutez, monsieur. Ah non, ministre Labdjou, écoutez. Et là, mon cher, bien voulu prendre un cas où, mais il faut venir avec document, au moins. Il faut venir avec bête. Ou bon, alcool l'a pas vivable. Alcool l'a pas vivable parce que. Ministre Frisnel Germain gen droit dit qu'on y a là alcool la bivab. Mais même Jean en 96 l'en t'a protesté contre alcool là. Même ministre Frisnel Germain ça a été rété sous Radio Vision 2000. Il t'a dit que donc Radio Boulos. Oui. Il t'a dit que alcool ça fait non condition d'hygiène passé alcool Léogane. Ah. Qui fait nous devine alcool la devine freiné? C'est avocat nous. Président René Préval. Avec avocat nous. Sénateur Jean-Robert Sabala et sénateur Wisner Emmanuel. Oh, nous gen gros avocat. Oui. Yo gen président d'Haïti comme avocat. Oui. Yo gen Jean-Robert Sabala comme avocat. Oui. Yo gen Wisner Emmanuel comme avocat. Oui. Mais nous gen pouvoir dans main nous. Bon, nous gen pouvoir dans main nous, mais quoi il y a pouvoir dans crise. Bon, pouvoir dans crise, nous reconnaître dans crise, mais les problèmes qui arrivent, alcool l'a testé déjà même au niveau avocat nous René Préval. Fait tester pour nous et qu'il pas vivable. On seul même dans un Beaubouin dis-moi, est-ce que l'on prend le vent ministre Frenel Germain? Est-ce que nous prend dili ministre? Est-ce qu'on t'a fait enquête la douane pour l'ordre où mieux entrer? Est-ce que on étiquette mi baladan qui sont étiquettes qu'on t'a reconnaître Beaubouin? Eh bien, réponse là très claire, c'est que étiquette la même pour ne pas déballer. C'est un élément de dossier. Nous ne pouvons pas demander de la chercher la douane. N'a poté étiquette la bali. Pour louer à gel. Louer à gel. Tête mort avec deux tibias. Avec deux tibias. Oui. Et ça m'a complété Edner. L'ordre Edner, est-ce que l'alcool est buvable? Moi-même, nous fait enquête. C'est pas pour nous connaître est-ce que le buvable ou est-ce que le pas buvable. Nous connaissons le pas buvable puisque étranger avec vous, il l'a dit le pas buvable. Oui. Étranger avec vous, il l'a dit que son tête mort lié et que. Gagnons mort là-dedans. Ok. Maintenant, c'est pour nous dire, comme étant donné que il y a un aspect scientifique dans le dossier, il n'est pas question de rété dit, c'est ça qui dit. C'est pour nous dire, mais tel produit, parce que là, pour ne pas l'avoir là, m'bouro kadou, qui produit, qui gagne dans l'alcool là, qui fait que li dangereux pour la santé. Mais si étranger a li même kap voye le baoua, déjà dou li dangereux. Li dangereux, ça veut dire que son. Faut camper sous lui. Oui, faut camper sous lui. Ça veut dire que son baï qui pas buvable. Mais sur le principe, moi-même, je suis homme de principe et je suis scientifique au départ. Ça veut dire que je ne vais pas arrêter pour me dire, yo, dis-moi. Ok, donc dit, voilà, tel produit qui est un produit toxique. Toxique. Et que toxicité ça a prouvé, l'île la donne li pas bon. Voilà, mais pour le moment pas au cas bon produit. Hein. Très bien. Mais étiquette là, c'est youn. Dis que gen danger. Gen danger. Donc étiquette là était youn un élément de dossier que nous devons utiliser. Très bien. Dernier point avant nous fermer, nous t'aimer connait est-ce que couelier a messieurs gagner une situation telle que ou dit c'est depuis 3 mois. Nous dit que c'est depuis 3 mois nous observer question hein, et que depuis 6 mois nous constater que clairin pas vendre. Clairin naturel là, clairin national là pas vendre. 23 octobre 96, ministre santé publique, ministre commerce te dit bagay sa yo pa gen droit importer pour vendre dans marché. Et puis quoi lié en 98 Britsoukoul vini reparaître. Qui ça fait que d'après nous li vini reparaître en 98? Est-ce que c'est crise politique là ou bien est-ce que son situation de production de canne avec les reins qui fait que importateur a décidé de recommencer? Edner. Bon. Mais ça fait alcool là frelaté a retourné dans pays encore. Il y a un pile monde qui complice la donne. Par exemple, en 96 moi-même c'est un monde qui était dans caché. Après l'aim fin bloqué. Alcool ça fin bloqué et dans caché m'dé. Ah bon? Oui, comme quoi la vie était dans caché. La vie ou dans danger. Oui. Ce qui veut dire, et après ça, yo vin offrim pour m'ka pa parler de alcool frelaté encore, yo vin offrim 240 000 dollars. Oh. Pour m'pa parler dans association encore quitter bagaille là. Même bouche. Oui, pour m'faire même bouche. Allons belle babouquette qu'on fait 240 000 dollars. 240 000 dollars. Kounya moi-même moi répondre. Riche? Non, m'pa prendre. Frenel, Frémi. Avec Bobo Ednel là à bon côté nous, riche. Oui. Non, m'pa prendre. M'pa prendre parce que ça fait m'pa prendre. Ça fait m'pa prendre. L'elle dit le mon nan vini, elle dit ça, me dit là mais bon, mon cher, on t'a passé. D'après Jean moi bagaille là, préférer mourir par balle dans la rue Port-au-Prince, famille m'a joindre cadavre là l'enterrer, m'pa pral faire planter avec distillateur Léogan, racher ma manchette là fini pour mettre dife, famille m'pa joindre cadavre là. Alors monsieur, celle bagaille que m'ka dit nous, si nous voulons commander alcool nous, mais association en gain pour reler derrière nous encore. Vous comprenez? Donc d'après où là? Parce que l'on parle, ça c'est gros parole. Bon, t'as l'air, je reprends, nous, Edner. Moi, bien. Dans Radio Haïti, nous pas faire diffamation. Oui. Bon, on va défendre tout. T'es senti la vie en danger. Mais l'on dit que plante Léogan, t'as capable de bracho à manchette, l'on finit au bout le cadavre. Oui. Ça veut dire, situation économique que Frémi sort décrit nous là qui sont situation réellement sous la grabat. Et ça on veut dire là Frémi, hein? Oui. Vous voulez dire situation sous la grabat ça. Son situation de vie et de mort. Oui. Plantel et organe senti tellement acculé que collègue est capable de transformer n'importe qui ça. N'importe qui moment débloser à péter parce que moi-même m'obligé d'en cacher. Par exemple, tu cap prouver côté m'en caché avec planté. Moi-même qui prêté comme la banque, mais dès on investi dans canna. Près de 775 000 gouttes. Pour investir dans canna avec dans moulin canne avec dans guilive. Non, moi investi dans plantation pour m'aider planté. Oh. Planté quand moi investi 775 000 goud avec yo. D'accord, continuez. Oui. Kounia là, voilà les kake. Quand nan bon, nous pas couper. Quand nan dépassé, nous pas couper. Quand nan on pas couper quand nan, si me couper quand nan, pas vendre clair rien. Et tandis que chaque jour moun sa moi t'ai investi comme pour planter canne chaque jour d'aime pour mettre cobla. Non, l'idée est moi pour me ca coupe al couper canne. Bon couper canne m'pa pas planter là. Pour balti balla. Comprends? Oh, donc réellement son question la vie ou la mort là. Oui. Et m'pa cacher dire on dit fait dans derrière. Oui, on dit fait dans derrière, m'dit côté planter. Planter? M'go dit fait dans derrière, m'dit côté la banque. Du côté la banque. La banque dans ouelou pour ca remettre cobla. Oui. À quel intérêt? Oui, parce que m'gain environ 30 000 gouttes intérêt chaque mois pour me bailler la banque. Dans le cob, me prêter la banque pour me investir pour planter canne. Et dans le cas personnel ou des crimes là, est-ce que d'après vous, c'est une situation qui a pile planté dans les organes qui n'ont même cas? Permettez-moi de répondre. Oui, c'est ça. Permettez-moi de répondre. Parce que là, l'appareil est un bagage personnel. Gagner en pile planteur Léogane Jodia donc moi-même qui gagne crédit même genre oui, crédit à la production qui gagne des crédits à la production et qui investit en pile dans production et qui Jodia nous cite à sous poder nous moi-même m'a dou Jodia que gagne moun qui gagne jusqu'à 30 pour clairer la caillou chaque pour clairer vend $500 qui pas arrivé manger attendez bien moun n'a gagne 30 pour clairer à $500 il gagne $15,000 dans même. Et puis il n'a pas qu'à manger. Il n'a pas qu'à manger. Il n'a pas qu'à manger. Il n'a pas qu'à voir tout le monde. Petit, il n'a pas qu'à l'école. Et puis il a traite pour clé. Et puis il chita son fortune. Et puis il chita son fortune. Oh. Donc, voici l'état de la situation actuellement. Côté que Léogane, son poudrière qui a explosé à n'importe quel moment. Et Jean, Lionel Fabien, se dit tout à l'heure, c'est temporisé. Association a temporisé le monde pour manger le parallèle. Oui. C'est temporisé parce que. Et couper quand on arrive non pour un côté faut le couper quand pour manger il mange au jour le jour si pas couper quand il pas manger et là nous dit circuit Léogane circuit Léogane son circuit bon définitivement son situation explosive et c'est ça fait que nous t'ai fait appel à Radio Haïti Inter qui vous permettre nous faire population attendez voir que dossier en route qu'on a nous va joindre l'autorité responsable. Pour y entendre des questions hein, et puis ouais est-ce que vous prêt pour mettre de l'eau dans du feu ou bien est-ce qu'il y a mettre gasoline pour du feu éclater? Non. Autorité yo, et puis avocat nous yo et ne dit me gain pour avocat. Oui, mon avocat. Ah, pour avocat moi j'ai bon c'est pour aller bon avocat nous hein. Bon. Alors situation explosive mais comme quitte c'est Radio Haïti. Quitte c'est association planteur distillateur. Nous toutes nous pour la paix. Nous pas dans explosion. Nous pas dans manchette râlée. Nous pas dans compte. Nous pas dans tuer monde. Nous pas dans rien, c'est la paix. Et puis, pour bagaille au fait dans le dialogue et l'échange. C'est bien ça. Prochaine étape, messieurs association, planteurs, distillateurs, Frémio, un petit mot pour dire. Oui, un petit mot pour dire. Nous sommes sur le dilas. Nous pas dans violence. Nous pas dans couper. Prochainement, nous gagnons rassemblement. Nous pas le faire. N'a pour réunir moun pour nous faire une manifestation populaire avec slogan avec pancarte pour ça ka balé frapper nos oreilles dirigeant yo pour yoé kanou situation pour ça faire pour nous parce que toute population ka camper comme un seul homme pour deux seuls moun seulement qui responsable plus que 1 million de moun ka souffrir sous compte yo soit fait de canne à sucre là. Très bien. Et donc n'a pas employé le dialogue nous va agiter avec ministre commerce Frenel Germain, ministre santé publique, docteur Jean Molière, n'a pas essayé avec yo comment nous capables reprendre question pour production clairin nationale la capable redémarrer et puis n'a pas comment pour nous avancer pour protéger santé consommateur clairin pépère, clairin malation non, clairin poison. C'est bien ça. C'est ça. Merci, messieurs. Oui, nous disons merci à Radio Haïti. Merci à tous les auditeurs Radio Haïti. Face à l'opinion, information, idées, débats, prise de position dans la transparence. Ceux qui font l'actualité dans le secteur public et privé, les fonctionnaires, les entrepreneurs, les syndicalistes, les leaders paysans parlent. Face à l'opinion, qui ça eut dit? Qui ça y fait? Qui mounioyé? Ça qui est responsable service l'État Moun ki fè ekonomi peyi a, mache, moun ki fè kilti peyi a, vanse, yo gen la parol sou Radio Haiti.